aujourd'hui dans Affaires Sensibles, une histoire qui a fait périodiquement et paracoup la une des journaux pendant près de 6 ans, la disparition et le meurtre en 2004 dans Lyon de deux jeunes femmes, Katia L'Herbier et Géraldine Giraud, parties pour un week-end en amoureuse dans une maison de campagne. L'une est chanteuse de jazz, l'autre est comédienne et fille de l'acteur Roland Giraud. Tout se passe bien entre elles, elles semblent même vivre un vrai coup de foudre, une romance. Pourtant, à l'issue du week-end, elles ne donnent plus aucun signe de vie. L'enquête indique qu'elles auraient croisé la route d'un homme, un certain Jean-Pierre Trébert, ancien garde-chasse, genre homme des bois. Dans son jardin, on retrouve les deux corps, cachés au fond d'un puits. Mais Trébert clame son innocence. Alors, on lui cherche des complices. Plusieurs femmes seront suspectées, puis relâchées. Pendant des années, la presse suit ainsi les soubresauts réguliers du dossier. Jusqu'au dernier rebondissement, 5 ans après les meurtres, Jean-Pierre Trébert s'évade de prison. Il est capturé après 2 mois de cavale. Et il finit par se suicider dans sa cellule sans jamais avoir été jugé. Il enterre ainsi avec lui son secret et nous laisse avec cette question lancinante: qui a tué Géraldine Giraud et Katia L'Herbier? En deuxième partie d'émission, nous recevrons Stéphane Minca, journaliste spécialiste des dossiers criminels. Il a couvert toute l'affaire et en a tiré un livre avec son confrère Christophe Gauthier, publié en 2009 chez Flammarion. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Gabriel Debray, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacubovies et Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Ah, dis donc, tu vas penser au plateau de fromage? Mais oui, t'en fais pas. Bien, Géraldine raccroche. Évidemment qu'elle n'a oublié ni le fromage ni le vin pour rendre visite à sa tante, Marie-Christine Van Kempen, qui doit lui présenter sa nouvelle locataire, Katia L'Herbier, dans leur appartement de Sens, ce 14 octobre 2004. Et ça fait quelques jours qu'elle trépigne, Géraldine, à l'idée de rencontrer cette jeune femme, car elle l'avait trouvée bien jolie quand elle l'avait aperçue par la fenêtre l'autre jour. Blouson en cuir, Géraldine Giraud sort de sa 206 et sonne à la porte de l'appartement de la rue Beaurepaire. Elle est impatiente, elle a raison, le coup de foudre est immédiat entre Katia et elle. À peine la soirée terminée, elle pense déjà à se revoir. C'est le mois d'octobre dans Lyon, il commence à faire froid et la brume rend l'air humide. Alors, les deux jeunes femmes décident de passer un week-end en amoureuse, au chaud, près de la cheminée de la maison de campagne de la famille de Géraldine, à la Postole, un village de 150 habitants, toujours dans Lyon. Elles pourront parler de leur passion commune pour la musique. Katia est chanteuse de jazz dans un groupe de la région. Géraldine aurait aimé être chanteuse, elle aussi. Bon, il se trouve qu'elle est comédienne, enfin, toutes les deux sont des artistes. On connaît bien la famille Giraud dans le coin. Roland, le père, bien sûr, est devenu célèbre après ses rôles dans des comédies comme Papy fait de la Résistance et Trois hommes et un couffin, notamment. Mike Jensen, la mère de Géraldine, fait elle aussi la fierté de la région. Comédienne également, elle a joué dans plus d'une vingtaine de films et à peu près autant de pièces de théâtre. Leur fille, Géraldine, est un enfant du pays apprécié du voisinage pour son charisme bienveillant, son allure de garçonne et son sourire charmeur. Elle a suivi les traces de ses parents et elle a choisi la comédie. À 36 ans, sa carrière se partage entre petits rôles au théâtre et au cinéma et doublage de films et de séries. Katia L'Herbier, 32 ans, elle aussi est bien intégrée. Elle travaille dans une association du coin qui aide des migrants à trouver un logement. Chanteuse, elle est connue pour ses prestations dans le groupe local Pondichéry avec lequel elle donne de nombreux concerts. Elle a commencé la musique vers l'âge de 16 ans, d'abord en tant que batteuse, puis chanteuse. C'est sa passion du chant qui lui fait croiser la route de Marie-Christine Van Kempen. Elle a été sa professeure, puis elle est devenue sa colocataire. Katia et Géraldine s'entendent bien. Ce week-end de parenthèse à l'Apostole pour la Toussaint 2004 se déroule sous le signe de la complicité. Elles s'amusent, débattent de futilité. Le 1er novembre d'ailleurs, Géraldine appelle l'une de ses amies pour mettre un terme à un débat avec Katia. Au fait, c'est quoi le nom de ce personnage-là de Harry Potter ? Il est 20h10 quand son ami Frédéric la rappelle. C'est dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Mais le réseau est instable dans la région. La voix de Géraldine est lointaine, la communication se coupe. « partir de là, plus de nouvelles. Depuis ce dernier appel, plus personne n'arrive à joindre les deux femmes, pas même Roland Giraud, qui est pourtant très proche de sa fille. Et puis ça ne ressemble pas à Géraldine de ne pas répondre au téléphone, surtout après tous les messages inquiets qu'il lui a laissés. L'inquiétude est à son comble, également dans la famille Herbier. Katia avait rendez-vous chez elle avec ses deux sœurs le mardi 2 novembre. Mais quand Sonia et Marielle ont sonné, Katia n'a pas répondu. Elles apprennent également qu'elle ne s'est pas non plus présentée à son travail. Pour Sonia, évidemment, c'est anormal. Et elle le raconte en 2011 dans l'émission « Faites entrer l'accusé » sur France 2. C'est quelqu'un de très ponctuel, qui planifie tout très à l'avance. Donc pour nous, c'est impossible. C'est pas normal. C'est pas normal que... Enfin, moi, je l'ai jamais connu manquer une journée de travail. C'est le premier signe. Avec les enfants, jamais elle n'a manqué un rendez-vous, jamais elle a été, ne serait-ce qu'en retard, un rendez-vous pour une activité qu'elle avait planifiée par avance avec eux. Marielle Herbier, son autre sœur, décide donc de lancer un avis de recherche dès le 4 novembre. Même réflexe de la part de Roland Giraud. L'enquête est confiée à Michel Cuneau, commandant de la police judiciaire d'Auxerre. Pour l'instant, les indices sont minces. Les téléphones des deux jeunes femmes n'émettent plus depuis le 2 novembre. On localise une dernière fois le téléphone de Katia près de Villeneuve-sur-Yonne. Mais depuis, plus rien. Les enquêteurs n'ont donc qu'une seule piste, celle des cartes de crédit. Depuis le 1er novembre, ces deux cartes ont été utilisées plusieurs fois. D'abord le soir même, à 21h50, pour un premier retrait de 250 euros avec la carte de Géraldine, puis 70 avec celle de Katia. Sur les caméras de vidéosurveillance, on voit deux silhouettes féminines traverser la rue. Les deux femmes seraient-elles encore en vie? La piste de la fugue amoureuse se tisse alors progressivement. Et si les deux jeunes femmes avaient décidé d'aller vivre leur amour loin des yeux, loin des drames éventuels, enfin, loin de tout, ce serait romantique. Le lundi 8 novembre, un autre événement vient entretenir cet espoir. Une femme qui pourrait correspondre au signalement de Géraldine a été vue à Pont-au-Combeau en Seine-et-Marne en compagnie d'un homme en train d'utiliser les cartes pour acheter du tabac et des produits pour bébé. Mais Roland Giraud n'y croit pas. Il a perdu tout espoir depuis la veille, le dimanche 7 novembre, car sa fille ne l'a pas appelé. Pourtant, c'était entre eux comme un pacte. Il l'explique en octobre 2007 au micro de Sophie Davant sur France 5. Il y a des règles très, très absolues dans notre famille. On se téléphone tous les dimanches. C'est-à-dire Géraldine nous téléphonait à sa mère, à Mike, ou à moi, nous téléphonait tous les dimanches quand on n'était pas ensemble. Et elle téléphonait tous les dimanches à sa grand-mère, c'est-à-dire la mère de ma femme. Donc le premier dimanche où elle n'a pas téléphoné, j'ai trouvé ça très suspect, très bizarre. Et son téléphone était saturé. J'ai dit ça, c'est pas possible. C'était impensable qu'elle sature sans nous avertir qu'il était saturé. Donc je savais pertinemment le troisième jour qu'il y avait quelque chose de très grave qui se passait. Et les cartes de crédit continuent de parler, des retraits, toujours des sommes relativement petites. Des achats aussi dans des bureaux tabac, des stations essence, des supermarchés. Le 16 novembre, la carte bleue de Géraldine Giraud fonctionne à nouveau pour des emplettes dans le centre commercial Carré-Sénart, en Seine-et-Marne. On récupère le ticket de caisse. Enfin, c'est étrange, pourquoi les deux jeunes femmes auraient-elles acheté des couches-culottes? Et même la nourriture, des knackis, un pack de bière ne leur ressemble pas. Non, elles sont plutôt, elles, bon vin, bon fromage. On demande alors à la caissière si elle se souvient de ses achats. Elle est catégorique. Oui, c'est un homme qui les a faits. Tiens, c'est lui là, ce type dégarni, un peu blond, qui pousse un caddie plein dans les rayons du supermarché. Oui, là, sur les images de la vidéosurveillance. Alors, les deux jeunes femmes auraient-elles confié leur carte à cet homme? Un nouvel achat dans une station-service sera déterminant. On réussit à capturer la photo de la voiture d'un suspect venu faire un plein avec les cartes volées. Flou, la photo ne donne que peu d'indices. Deux chiffres, une lettre sur la plaque d'immatriculation. Mais assez d'informations tout de même pour que, par élimination, les policiers déterminent six véhicules qui pourraient correspondre. Puis finalement, l'étau se resserre autour d'un individu, un certain Jean-Pierre Trébert. Cet homme est un ancien garde-chasse de la région. Sa dernière adresse connue de la préfecture est à Villeneuve-sur-Yonne. Ça colle, c'est là où le téléphone de Katia Herbier a émis justement pour la dernière fois. Le Le 22 novembre, au matin, les hommes de Michel Cunou mettent en place une embuscade aux alentours du Châtelet en Brie, près de la forêt de Fontainebleau. Une première voiture est postée à la sortie du village, une deuxième, celle du commandant, dans le domaine agricole où Trébert travaille, alors qu'un autre véhicule stationne un peu plus loin sur la route. Vers 7h40, il repère une 205 blanche avec un homme seul à bord. Il fait encore nuit. Michel Cunot commence la filature. Oui, c'est lui, c'est Jean-Pierre Trébert. Au bout de la route, un stop. Alors c'est l'occasion, on va le serrer, lance Cunot dans la radio. Les trois voitures de police banalisées encerclent celle de Trébert. 9 flics armés sortent et le pincent. Sur France 2, on raconte son arrestation. Devant les enquêteurs, l'homme est resté vague. Peu d'explications sur les cartes bancaires. Selon lui, les deux jeunes femmes les lui auraient données lors d'une fête à Paris. Son avocate n'a souhaité faire aucun commentaire. Âgé de 40 ans, ce marginal est incarcéré depuis hier soir, principal suspect d'une enquête qui a débuté il y a 3 semaines. SDF, il dit habiter ce village dans l'Yonne. Dans le coffre de sa voiture, on retrouve des vêtements tachés de sang. Des analyses ADN sont en cours. L'homme se défend, expliquant qu'il est chasseur. Mais ces explications n'ont guère convaincu le juge d'instruction qui l'a mis en examen pour enlèvement et séquestration. Alors, Géraldine Giraud, c'est toi ? Lance le commandant Cunot droit au but. Jean-Pierre Trébert répond : « Ah ça, aucun problème, je peux vous expliquer. » Il est étrangement calme, beaucoup trop calme pour un innocent, pense le commandant. Pensez donc, dans 5 ans, il aura rendu son badge et il en a vu d'autres dans sa carrière, des types qui veulent se faire passer pour des innocents. Or, quand ils sont sincères, eh bien ils se défendent, bec et ongles, pas comme Trébert. En garde à vue, Trébert raconte une première version des faits. Il aurait été pris en stop par les deux jeunes femmes le soir du 1er novembre. Le courant serait passé, alors après quelques joints, elle lui aurait demandé s'il pouvait les aider à disparaître. Le plan était le suivant. Pendant qu'ils continueraient à utiliser leur carte bleue pour faire diversion, elles en profiteraient pour se faire la belle. Puis il change de version. En fait, il aurait rencontré les filles quelques semaines plus tôt, bowling. Ou alors non. Et ils se seraient croisés pendant l'été. Voilà, c'est ça, la terrasse d'un café. Bref, les versions se multiplient, de moins en moins crédibles. Et puis l'amitié entre Géraldine, Katia et Jean-Pierre Trébert, quand même, elle paraît incongrue. Enfin, ses collègues, ses proches en dressent un portrait bien loin du profil des amis habituels des deux jeunes femmes. Marie-Christine Van Kempen, la tante de Géraldine, le confirme d'ailleurs dans une interview pour France 2. C'est impossible qu'elle connaisse et fréquente un type comme Trébert. Non, ça ne colle pas. Je ne pense pas qu'elle le connaissait. Elle m'en aurait parlé d'abord et d'une. Non, vraiment. Même s'il habitait Pont-sur-Yonne et que Katia était de Pont-sur-Yonne, je pense que... Villeneuve-sur-Yonne. Je pense que non. Je pense que ça a été une rencontre. Une mauvaise rencontre. Personne ne comprend, de toute façon, jusqu'à présent. C'est quelque chose d'incompréhensible, en fait. Se rencontrer ici, exactement là. C'est très dur. C'est très dur. Géraldine et Katia, toutes. Deux trésors. Vraiment deux amours. Je les vois en deux petits anges maintenant. Ce sont deux grands trésors. Enfin, je pense qu'elles auraient toutes les deux fait beaucoup de choses, en fait. Je pense vraiment qu'elles s'étaient trouvées pour réaliser beaucoup de choses. Et c'est ça qui me fait le plus mal encore dans tout ça. Je veux dire, tout est terrible, mais ce serait bien entendu, et elles auraient fait plein de choses. Elles se complétaient. Les enquêteurs flairent la manipulation. Trébert est mis en examen pour vol et escroquerie et enlèvement et séquestration. L'homme se mure dans le silence et l'enquête n'avance plus. Trébert multiplie les versions, refuse de parler, mais toujours réclame son innocence. Non, il n'a rien à voir avec la disparition des jeunes femmes. Il ne leur a pas fait de mal, en tout cas. Alors on essaie plusieurs méthodes. On fait même venir ses chiennes auxquelles il est très attaché par l'intermédiaire de Marie-Pascale Trébert, son ex-femme, mais rien ne marche. C'est alors qu'un voisin se souvient d'un détail. Au début du mois de novembre, Jean-Pierre Trébert a loué une petite pelleteuse pour faire des travaux dans son jardin. Il ne se souvient plus exactement de la date, mais ça doit être quelque part autour du 2 ou 3 novembre dans ces eaux-là. Il faut donc retourner fouiller, pense le commandant Cuneau. On a raté quelque chose. Le 8 décembre, dans l'après-midi, les policiers débarquent dans le jardin de Jean-Pierre Trébert. Près d'un cabanon, les enquêteurs font alors une découverte déterminante. Les restes d'un feu. Et dans les cendres sont enfouis un trousseau de clés, des boutons de pantalon, des téléphones calcinés, les restes d'une montre Swatch. La réalité s'impose, le doute n'est plus permis, les deux jeunes femmes n'ont pas fugué. Non, il leur est arrivé quelque chose. Les policiers se dirigent alors vers le puisard qui sert à recueillir les eaux usées. Lors de la première perquisition, ils n'avaient rien trouvé de suspect. Le trou était rempli de grosses pierres, bon, c'est la coutume. Mais ce jour-là, quand les policiers s'en approchent, Jean-Pierre Trébert se crispe et l'instinct du commandant se réveille. C'est là où il faut fouiller. Alors il soulève la trappe et une odeur qu'il connaît bien s'en échappe, une odeur de cadavre. Ce sont bien les corps de deux femmes qui ont été retrouvées cette nuit. La confirmation est désormais officielle. Tout laisse à penser qu'il s'agit de Géraldine Giraud et de son amie Katia Lherbier. Ce sont les mots même du procureur de Sens qui reste toutefois très prudent et attend les résultats des autopsies. Elles devraient avoir lieu demain à l'Institut médico-légal de Paris. C'est très tard dans la nuit que les enquêteurs ont fini par extraire les deux corps. Une opération technique extrêmement complexe. De lourdes pierres tapissaient le fond du puits. Un puits très profond, 8 mètres de profondeur. Pour aller chercher les corps, il a fallu creuser avec une pelle mécanique tout autour du puits et démonter l'édifice pierre après pierre. C'est seulement vers 3 heures du matin qu'un premier médecin légiste a pu avoir accès aux deux corps. Putain, l'enculé les a butés. C'est Jean-Pierre Trébert qui lance cette phrase, mot pour mot, dans le dos de Michel Cuneau alors que les équipes extraient les corps. Et c'est une scène de film d'horreur. Les policiers n'ont jamais rien vu de tel. L'une des femmes est nue, l'autre vêtue d'une seule culotte et de lambeaux d'une parka. Leur mort semble mise en scène. Leurs visages sont recouverts d'une espèce de masque fait de ruban adhésif, laissant apparaître leur nez. Sur l'une d'elles, un gant de toilette a aussi été attaché sur la figure. Et c'est un village entier qui est sous le choc. La mère, Osnaka Oni, s'en témoigne au micro de France Inter. On est sous le choc. Ce matin, dans la matinée, j'ai appelé Roland Giraud, quoi. Au départ, votre conversation, ces témoignages de le soutien et tout ça, qu'ils sachent que bon, on est avec et puis tout, quoi. Et puis bon, ben, c'était plus fort, quoi. Bon, on a pleuré, quoi. C'est le vrai cauchemar, c'est terrible. C'est terrible, surtout sans connaître dans quelles conditions elle est. Bon, si elle a souffert, si elle n'a pas souffert, si. C'est horrible. Il va falloir du courage, oui. Oh que oui, du courage, il en a fallu à l'acteur Roland Giraud pour remonter sur scène, car il reçoit l'appel, lui apprenant la découverte des corps, seulement 2 heures avant de jouer, au Théâtre des Variétés, dans une pièce intitulée « Délit de fuite », sévère télescopage entre la fiction et la réalité. Alors, remonter sur les planches tout de suite, ou ne plus y retourner, jamais. Roland Giraud décide de faire honneur à sa troupe, au public et à sa fille, car il est certain qu'elle aurait voulu le voir remonter sur scène. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. My makeup may be flaking, but my Institut médico-légal de Paris, 12e arrondissement. Le professeur Frédéric Lecomte est sous pression. L'affaire est sensible. Mais c'est une femme solide, avec 15 000 autopsies au compteur. Gantée, masquée, protégée par un long tablier blanc, elle se met au travail. Le protocole est toujours le même, une longue série d'examens et de vérifications externes puis internes pour déterminer le moment et la cause du décès. Les corps sont restés au fond d'un puits pendant 3 semaines dans le froid du mois de novembre, alors ça complique son travail. Difficile de déterminer avec précision le moment du meurtre. La cause du décès pose également question. Les corps sont en parfait état extérieur, aucune marque de blessure ni de strangulation malgré les fines cordelettes qui entourent leur cou. Les analyses sanguines écartent également la thèse de l'empoisonnement. La réponse surgit à l'examen thoracique. Les poumons sont brûlés. Les deux jeunes femmes ont été intoxiquées. Mais quel gaz a-t-il été utilisé? Il n'y a aucune trace biologique, aucun produit dans leur corps qui pourrait expliquer leur décès. On finit par analyser leurs vêtements. La couverture orange qui recouvre les corps dans le puisard, le gant de toilette collé au visage de Géraldine Giraud, le foulard autour de son cou, la parka et tous les textiles retrouvés près des femmes sont envoyés au laboratoire. Toutes les pièces à conviction présentent un point commun, un taux élevé de chloroforme. Sauf que cette substance n'est pas assez puissante pour tuer. L'image à la Tintin du gangster qui endort sa victime avec un mouchoir est fausse, c'est une image de cinéma ou de BD. Non, beaucoup trop volatile. Le chloroforme nécessite des quantités énormes pour faire effet sur un humain, même pour l'endormir. Alors, ce n'est sûrement pas ça qui les a tués. Mais peut-être un produit proche. C'est grâce à l'appel spontané d'un chasseur à la police qu'on découvre le nom de l'arme du crime, la chloropicrine. Un gaz violent, comme l'explique Michel Morand, le procureur de Sens. C'est un produit excessivement toxique. L'expert en toxicologie, avec lequel on discute évidemment, comme vous pouvez imaginer, de façon suivie, nous disait qu'il suffit dans une pièce d'un volume normal d'ouvrir un flacon, un quart d'heure plus tard, tout le monde est mort. Trébert est un chasseur, il a pu en manipuler, il en a peut-être encore d'ailleurs, même si le produit est interdit depuis 1996. Alors le 15 décembre, on perquisitionne une nouvelle fois sa maison, et là tous les bidons, les bouteilles, les pots sont inspectés à la recherche du produit ou de traces de chloroforme. Les enquêteurs ont compris que là où la chloropicrine est utilisée, elle se dissipe pour laisser place au chloroforme. Mais ils ne trouvent rien, il faut regarder ailleurs, il faut continuer à chercher. Le 1er mars 2005, Sens, rue Beaurepaire, appartement de Katia L'Herbier et Marie-Christine Van Kempen. Les équipes du commandant Cuneau sont sous le choc. Ils viennent de faire une découverte inattendue. Dans la cave de la maison des deux femmes, d'importantes quantités de chloroforme viennent d'être détectées. Marie-Christine Van Kempen est une personnalité de la région, ancienne chanteuse lyrique. Elle a participé à des groupes de chants du coin, elle se produit souvent en gala. On pourrait la qualifier par ailleurs de « loufoque ». Lors de la première perquisition qui avait été effectuée chez elle le 8 novembre 2004, les policiers avaient noté dans la cave la présence du cadavre d'un chat roux et d'un matelas de place éventré. Mais à ce moment de l'enquête, ces éléments ne semblaient pas suspects. 2 mois plus tard, le commandant Cuneau les voit donc sous un autre angle. Mais le matelas et le chat ont vite disparu de la cave. Dans un reportage de France 2, un voisin et un ami de Katia affirment l'avoir aidé à s'en débarrasser. Quelques jours avant sa première interpellation, elle profite des travaux effectués par un voisin pour faire disparaître un mystérieux matelas jamais retrouvé. Et elle m'avait demandé de lui jeter un matelas. Et donc, c'était un matelas pourri de chez pourri. Bon, on m'a dit qu'il était dans son grenier. Autre suspicion, pourquoi la tante de Géraldine Giraud a-t-elle payé un ami de Katia L'Herbier pour aller retirer un chat mort, peut-être lui aussi empoisonné dans sa cave? Cet homme a été longuement interrogé par la police. Moi, j'y suis allé pour enlever le chat dans sa cave et le jeter, quoi, c'est tout. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle avait peur de l'enlever, mais elle était pas bien, quoi. Mais bon, sans plus. L'avocat de Marie-Christine Van Kempen n'a pas souhaité répondre à nos questions. Dans un unique communiqué à l'AFP, il précise simplement que sa cliente nie toute participation au double assassinat. Le chat aurait-il lui aussi été intoxiqué à la chloropicrine? Quelle était l'utilité de ce matelas? Géraldine et Katia y ont-elles été séquestrées? Marie-Christine Van Kempen a-t-elle fait disparaître des preuves? Autant de questions sur lesquelles butent les enquêteurs. Tout comme sur la question du mobile, enfin. Qu'est-ce qui aurait pu pousser Marie-Christine Van Kempen à s'en prendre aux deux femmes, elle qui était pourtant proche de sa nièce Géraldine, toutes deux artistes, un peu marginales? Très proche de Katia aussi. Non, on ne trouve rien qui pourrait expliquer un tel passage à l'acte. Rien, à part peut-être une lettre. Lettre à Katia. Ce fut une jolie rencontre. Je la garde belle dans mon cœur. Je lâche entièrement prise quant à ta rencontre avec Gégé et vous souhaite de grands moments de bonheur. Je t'ai ouvert grand mon cœur et donné toute ma confiance, mais à présent, la fluidité a disparu. L'ombre de la famille Giraud pèse trop lourd sur moi pour ne pas parasiter mon quotidien à travers votre rencontre. Ok, baby, I hope you understand. Nos chemins se séparent là pour l'instant. Si tu me comprends, respecte. Et si les deux femmes entretenaient une relation plus qu'amicale, du moins de la part de Marie-Christine? Dans son agenda, les enquêteurs trouvent d'ailleurs d'étranges inscriptions. Géraldine marche sur mes plates-bandes, par exemple. Et dans la maison, ils trouvent des masques de chirurgien. En garde à vue, l'attente justifie plusieurs éléments. Les masques, c'est pour protéger ses cordes vocales de la laine de verre présente dans son grenier. Les traces de chloroforme, les anciens locataires qui ont traité la cave avec des bombes anti-puces. Bon, enfin tout ça n'est pas clair. Par exemple, elle assure avoir passé le week-end de la Toussaint chez sa mère, mais ses relevés téléphones indiquent qu'elle est revenue à Sens. Malgré le flou dans ses déclarations, le juge Michael Guire, en charge de l'affaire, décide de ne pas la mettre en examen. On est en pleine affaire Outreau, alors mieux vaut ne pas risquer l'erreur judiciaire. Les éléments ne sont pas assez solides, elle peut donc recouvrer la liberté. Pour la famille Giraud non plus, la complicité de la tante n'est pas certaine, comme l'explique Sabine Cordes, leur avocate. La question que tous nous nous posons, est-ce que les deux jeunes filles ne sont pas mortes dans cette cave? Mais cela ne veut pas dire qu'elle aurait participé à l'assassinat. Il se peut très bien que ce soit d'autres personnes qui aient la clé de la cave ou que la cave soit restée ouverte et que d'autres personnes aient pu entrer. D'autant que rien ne permet de tisser un lien entre Marie-Christine Van Kempen et le garde-chasse. Mais alors, si la tante est innocente, qui sont les complices de Trévert? En novembre 2005, un nouveau témoignage relance l'enquête. La patronne d'un bar de Sens affirme avoir vu Jean-Pierre Trébert et Patricia Darbeau, la femme de l'un de ses amis, prendre un verre sur sa terrasse avec une autre femme. La dame qu'on voit à la télé, dit la patronne, autrement dit Marie-Christine Van Kempen. Elle donne même aux policiers la description du manteau de fourrure de la cantatrice. Patricia Darbeau est celle qui profitait des cartes bleues volées par Trébert. Oui, c'est à elle qu'il offrait les couches pour bébé. Patricia Darbeau et Marie-Christine Van Kempen sont mises en examen. L'une pour recel d'escroquerie, l'autre pour complicité d'assassinat. La nouvelle thèse est la suivante. La tante aurait demandé à Trébert et Patricia Darbeau de séquestrer les filles pour les punir. Ça pourrait coller. Mais les preuves sont trop légères, le témoignage un peu fragile. Les deux femmes sont donc libérées en février 2006. Sans autre piste, les enquêteurs se retrouvent démunis. Trébert est à l'ombre, clamant son innocence. Il ne reste plus qu'à attendre son jugement aux assises, programmé pour le mois d'avril 2010. Voilà, l'histoire pourrait se terminer de cette façon. Elle connaîtra pourtant un sursaut inattendu le 9 septembre 2009, 5 ans après l'assassinat de Géraldine Giraud et de Katia Lherbier. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce soir 3. L'information du soir, c'est l'annonce de l'évasion de Jean-Pierre Trébert, principal suspect du meurtre de Géraldine Giraud et de son ami. Il devait comparaître au printemps prochain devant la cour d'assises de Lyon. Jean-Pierre Trébert s'est donc évadé aujourd'hui de la prison d'Auxerre. Il était en détention provisoire dans l'attente d'être jugé pour le double meurtre de Katia Lherbier et de Géraldine Giraud, fille du comédien Roland Giraud. S'ensuit une traque haletante qui fait la une des journaux pendant 2 mois. La traque dans les bois d'un homme qui les connaît comme sa poche. Plus de 200 enquêteurs sont mobilisés pour retrouver celui qui est devenu l'homme le plus recherché de France. Son visage passe sur toutes les télés du pays. Une première piste s'éclaire à Bréau, un village de Seine-et-Marne, proche de Melun. Une semaine après l'évasion du garde-chasse, un habitant du village informe la police qu'il vient de croiser Jean-Pierre Trébert. Les enquêteurs installent alors un dispositif de caméra cachée dans les rues de Bréau pour repérer ses déplacements. Tout porte à croire que le garde-chasse se cacherait en fait dans les bois et ferait des allers-retours entre la forêt et le village pour s'approvisionner ou entrer en contact avec des complices. C'est d'ailleurs ce qu'indiquent les lettres qu'il envoie à son amie Blandine, sa visiteuse de prison. Il écrit aussi à différents journaux comme Paris Match, VSD, Marianne. Perico Lagasse, chroniqueur chez Marianne, a reçu une lettre accompagnée de l'original de la carte de détenu de Trébert. Et il le raconte sur France Inter. Au début, pensait que c'était peut-être un canular. Et puis, il y avait sa carte de détenu qui était à l'intérieur. Et voilà, on a d'abord cherché à authentifier le document. Il semble que ce soit vraiment de sa main. C'est une lettre manuscrite. Et donc, il demande que Marianne publie cette lettre dans laquelle il demande certaines choses et fait certaines précisions par rapport à sa situation. Il dit qu'évidemment, il est au bord du suicide, qu'il est en situation de désespoir avancé, que c'est pour ça qu'il a choisi de s'évader, même si c'est pas la bonne solution. Il dit qu'on n'a pas assez creusé, pas assez approfondi les relations de Géraldine, qu'on lui a jamais accordé la présomption d'innocence. Voilà, il dit que cette lettre est un petit aperçu d'injustice que je subis. J'ai donc choisi cette solution d'évasion qui n'est pas la meilleure, mais c'est peut-être le seul moyen de me faire entendre avant le procès où je serai présent. Voilà ce qu'il dit. Trébert communique avec Blandine grâce à un dispositif tout simple mais très efficace. Sur le tronc d'un grand chêne en bordure de forêt, il a gravé un cœur peint en rouge. Au pied de ce chêne se trouve la cache où les deux amis se laissent des courriers. La police décide alors de tendre un piège à Jean-Pierre Trébert et de monter l'embuscade. La nuit du 9 octobre 2009, des policiers du raid l'attendent auprès de l'arbre où il devait avoir rendez-vous avec Blandine. Il pleut des cordes, l'obscurité est pénétrante. Pourtant, Trébert repère les policiers et parvient à leur échapper de justesse. En réalité, l'homme est caché chez un ami depuis le début, chez Michel Huys, qui possède une ferme dans les environs et qui est dans le viseur des enquêteurs depuis le début de la cavale. Il faisait partie de la liste des complices éventuels de Trébert pour le meurtre de Géraldine et Katia. Un autre homme attire également l'attention de la police, un certain Régis Charpentier. C'est chez lui que Trébert se cache, à partir du 8 novembre. Depuis l'évasion de Trébert, Michel Huys et Régis Charpentier complotent dans son dos. Ils veulent vendre les interviews du fugitif à des journalistes moyennant des sommes rondelettes. Leur stratagème n'échappe pas aux policiers. Et le 20 novembre 2009, les hommes du raid défoncent la porte d'un studio à Melun. Ils y trouvent Trébert, vêtu d'un sweatshirt marron et d'un jean, assis sur un piteux matelas. Voilà, la traque est terminée. L'homme pourra être jugé en avril 2010, comme prévu. C'était sans compter sur un dernier rebondissement. De retour derrière les barreaux, Jean-Pierre Trébert ne supporte plus la captivité. Alors, il se pend dans sa cellule, dans la nuit du 19 au 20 février 2010, laissant à tout jamais cette affaire sans coupable avérée. Était-il vraiment le tueur? A-t-il agi seul? Mystère. With photographs and magnetic tape, we capture pretty animals in cages, pretty flowers in vases, and rapture. Junk. doubts, is it a blessing or a curse? In rapture. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le dossier Géraldine Giraud et Katia Lerby avec notre invité Stéphane Minca. Bonjour. Bonjour Fabrice Drouel. Vous êtes journaliste spécialiste des affaires criminelles. Vous avez travaillé pour différents journaux, notamment VSD, et vous avez publié plusieurs enquêtes, dont l'affaire Giraud en 2009 chez Flammarion avec votre confrère Christophe Gauthier. Qu'est-ce qui vous a... Alors, je précise d'abord que vous faites partie des journalistes qui ont reçu une lettre de Trébert. Oui, tout à fait, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette histoire? Qu'est-ce qui en fait un grand fait divers? Qu'est-ce qui vous a attiré? Parce que vous avez reçu la lettre ou vous étiez déjà en enquête? Ah non, c'est dès le départ. Dès le départ. C'est dès le départ. Bon, qu'est-ce qui en fait un grand fait divers, alors? Ce qui en fait un grand fait divers, c'est que pendant des années, le mystère a perduré. Mmh. C'est-à-dire que, grosso modo, enfin, au-delà des premiers rebondissements de départ qui sont, enfin, retrouver les deux femmes dans un cachet, dans un puisard, au bout de la troisième fouille seulement, enfin, la chloropicrine qui arrive quelques mois après, enfin, si vous voulez, au-delà de tout l'aspect complètement, presque farfelu par certains côtés de cette histoire, c'est ce mystère qui a demeuré et qui demeure encore finalement. Ben oui. On n'a toujours pas la preuve. On ne sait pas qui a tué, pourquoi il l'a tué, le mobile. Exactement. Aujourd'hui, il n'y a que des hypothèses et pas de vérité judiciaire. Voilà. Alors, est-ce que le fait qu'elle soit Géraldine Giraud, fille de Roland Giraud, a donné à cette affaire une dimension qu'elle aurait peut-être pas eue si la personne n'était pas de deux façons différentes. Évidemment, de deux façons différentes. C'est-à-dire que il est évident que une certaine presse plus people s'est intéressée à cette histoire et donc a permis, si vous voulez, à la médiatisation de prendre encore plus. Mais il y a un deuxième aspect aussi, c'est que la personnalité de Roland Giraud, le père, a pesé aussi dans la, je dirais presque dans l'enquête, parce qu'évidemment, comme tout homme médiatique et parfois de pouvoir, il faut trouver encore plus un coupable, c'est ça? Bah, c'est pas ça. La justice, elle, reste indépendante. Mais il est vrai qu'il y a eu des demandes de sa part, même pour rencontrer le ministre, etc. Voilà. Bien sûr. Alors, parlons de cette chloropicrine. Ce qu'en dit le procureur est effrayant. À un moment, il dit, vous avez entendu, dans l'archive qu'on a diffusée, il dit, on ouvre un flacon et tout le monde est mort. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment les policiers sont tombés sur cette substance? Alors. Effectivement, on ne dispose que de chloroforme. Elles ne peuvent pas mourir de chloroforme au départ. Absolument. Et c'est un garde-chasse qui les appelle et qui dit, écoutez, Trébert est garde-chasse, il connaît comme moi un produit qui s'appelle la chloropicrine. Chloropicrine, c'est un truc, c'est un gaz équivalent du gaz moutarde qui a été utilisé en 1915 sur les champs de bataille, dont on a conservé un usage à peu près légal jusqu'en 91, si vous voulez, pour tuer les renards. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est un gaz lourd, c'est un gaz donc qui s'enfonce dans les terriers et qui étouffe et tue les renards. Donc effectivement, on peut tuer quelqu'un avec ça. Ah oui, c'est sur la base et le constat qu'on peut tuer quelqu'un avec ça, que Trébert en aurait eu en tant que garde-chasse. Exactement. Qu'on est sur cette piste, c'est ça. Exactement. Mmh. D'autant que dans son parcours, un an auparavant, il dénonce lui-même à l'Office national des forêts, le fait qu'un de ses collègues avec qui il ne s'entend pas en détient. Donc il sait parfaitement où il y en a, et lui-même en a peut-être. Donc si vous voulez, il y a un lien avec la chloropicrine et Jean-Pierre Trébert, évident. Alors, le personnage principal de cette sombre histoire, c'est Trébert. Quel est cet homme-là? Certains le disent un peu simplé, d'autres disent au contraire qu'il est intelligent. C'est quoi son profil? Écoutez, je crois qu'il est ni l'un ni l'autre. La vérité se trouve souvent voilà, entre les deux. Voilà, exactement. Je crois pour... C'est pour quoi moi, son voilà, pour vous, pour moi, le trait saillant de cet homme, c'est que c'est un cœur d'artichaut. Ah voilà, oui. Si vous voulez. C'est-à-dire que, bon, très bien, il n'a pas fait de grandes études, etc. Ça n'en fait pas un rustre pour autant. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a sans doute été marqué par une forme d'infirmité de naissance avec un œil légèrement tombant. Ce qui le rend un peu effrayant sur les photos, mais ne lui rend pas justice en réalité, parce que c'est plutôt un bel homme. D'ailleurs, il est très musclé, de par son métier. Et finalement, c'est il cherche l'amour, à séduire les femmes. Ah. Et ça marche. Et il tombe amoureux très vite. Et il tombe amoureux relativement vite. Ça s'appelle un cœur d'artichaut, c'est ça? Tout à fait. Bon, d'accord. D'autres personnages sont assez intéressants également dans cette affaire, et assez mystérieux, notamment Marie-Christine Van Kempen. Quel est son rôle dans cette affaire? Parce qu'elle est vraiment, elle est centrale à un moment du récit. Bah oui, mais en fait, son rôle est nul et non avenu. C'est terrible. Alors, quand vous dites qu'il y a des personnages, effectivement, il y a des personnages. Oui. Donc, on leur calque. Et c'est fou, d'ailleurs, la manière dont on a vécu ça, à la fois en direct dans la presse, avec les gros titres, la suspicion à son encontre, etc. Et finalement, les coulisses. Donc, voilà, c'est incroyable. Marie-Christine Van Kempen n'a évidemment rien à voir avec la disparition de Géraldine et de Katia, depuis le début. Mais c'est son attitude. C'est un personnage très haut en couleur. Enfin, elle chante dans les bois. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer cette dame avec les cheveux rouges qui part se balader dans les bois et les champs de Sens le matin à 9h je sais plus ce qu'elle chantait. C'est pas la Traviata ou autre chose. Enfin, c'est un personnage évidemment. Oui. C'est marginal peut-être pas, une artiste si vous voulez. Mais oui, c'est. Quand même, on retrouve une lettre chez elle qui ressemble fort à une lettre d'amour. Quels étaient ses sentiments pour Katia? Est-ce qu'il est possible qu'elle ait été jalouse de Géraldine? Ce qui n'en fait pas d'elle forcément quelqu'un de suspect. Hein, je dis pas ça. Mais enfin, il y a quand même cette. Alors, vous avez parlé de cette lettre. Cette base-là, ouais. Vous avez parlé de cette lettre et vous l'avez lue tout à l'heure. Elle est intéressante cette lettre parce qu'on peut la lire de deux manières. On peut la lire de cette manière évidente, c'est-à-dire oh là là, mon Dieu, elles avaient une liaison. La tante aussi était lesbienne et puis elle vient de se faire faucher la Katia par Géraldine. Vous pouvez le lire comme ça en première lecture. Puis relisez la lettre en vous disant que Marie-Christine, elle est au RSA à ce moment-là. Ouais. Et que si Géraldine lui pique Katia, en fait, la colocation va se terminer et donc elle va être obligée de payer le loyer toute seule. Ouais. Vous voyez, pouvez voir les choses comme ça aussi. Donc, pourquoi elle est triste? L'ombre de la famille Giraud. À un moment donné, dans cette lettre, on dit l'ombre de la famille Giraud. C'est quoi l'ombre de la famille Giraud? C'est qu'en fait, c'est Roland Giraud qui, assez énervé, parce que la Marie-Christine, à 47 ans, elle vit encore chez sa mère, qui lui dit, enfin, histoire un peu compliquée, qui lui dit, moi je vais te prendre un studio. Donc c'est lui qui l'installe à Sens et qui paye les 400 euros de loyer. Donc, si vous voulez, derrière, que Katia s'en aille avec Géraldine, c'est l'ombre de la famille Giraud continue de faire chier. C'est-à-dire que grosso. Est-ce que ça pouvait constituer aux yeux de la police un mobile de crime? Non. Non. Ah. On est allé chercher le triangle amoureux. Pendant des années, on a entendu parler d'un triangle amoureux. En mettant cette tante, en accusant cette pauvre tante au RSA, d'avoir ordonné, d'avoir payé un homme de main, Jean-Pierre Trébert, pour violenter sa tante, sa nièce, excusez-moi, qui serait partie avec sa coloc. Enfin, bon, si vous voulez, on est resté un an et demi là-dessus, et il y a encore des gens qui le croient, hein, mais bon. Bon, ça veut dire alors que Trébert aurait agi seul? C'est ça, votre hypothèse? Oui, oui, oui. Mais seul, alors d'accord, mais pourquoi? Pour de l'argent. Pour le plus simple au monde, pour de l'argent, si vous voulez. Après... Aujourd'hui, on ne parle que d'hypothèses. Si vous voulez, moi, ma version des faits, qui est une hypothèse parmi d'autres, en tout cas, qui me semble un peu plus crédible, c'est en réalité pratiquement un meurtre par accident. Bon, pas prémédité, en tout cas. Pas prémédité. Ouais. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut revenir longtemps en arrière, il faut se plonger dans le dossier et aller finalement chercher des détails peu connus et qui n'ont pas fait les gros titres. Mais qui pourraient être déterminants? Oui, qui pourraient être déterminants. Vous en tête comme ça? Parmi les choses dont on a un petit peu parlé dans la presse à ce moment-là et dont on n'a pas mesuré les conséquences, si vous voulez, c'est que la disparition de la première personne que voit Jean-Pierre Trébert, après avoir au 1er novembre. Donc après avoir sans doute fait disparaître les deux femmes. Mmh. C'est qui? C'est Patricia Darbaud. Oui, on en a parlé. C'est une femme, vous en avez parlé, c'est un détail comme ça. Mais, si vous voulez, replaçons-nous dans le contexte. Patricia Darbaud est une amie. Oui. Bon, cette Patricia, Jean-Pierre Trébert, il y a relativement peu de doute sur le fait que il a quelques vues sur elle. Elle, il s'avère qu'à ce moment-là, son copain attitré est en prison, elle n'a aucun moyen de ressource, elle y a des dettes partout, et c'est quelqu'un qui crie partout, j'ai besoin d'argent, au point qu'elle ne peut plus payer ses clopes, elle ne peut plus payer son réseau, son forfait téléphonique. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est la fin du mois. Le 1er novembre, c'est où tombent toutes les traites. Oui. Prenons ce détail-là. Ouais, c'est intéressant. Si on est dans la logique d'un enlèvement pour de l'argent. Par exemple. Hein, voilà. Auprès de la famille Giraud, par exemple. Ça pourrait être ça, mais on pourrait aller encore autre chose. Donc ça serait, alors je suis dans cette hypothèse, ce serait un enlèvement pour des motifs financiers, hein, et ça se passe mal. C'est-à-dire que ça tourne mal. Pour moi, c'est ça. Pour vous, c'est ça. Pour moi, c'est ça. D'accord. Au 31 octobre, Jean-Pierre Trébert est incapable de donner un petit peu d'argent pour aider Patricia Darbaud. Au 1er novembre, au 2 novembre exactement, à 15h, il se retrouve et je crois qu'il lui donne, je sais plus, c'est 40 ou 60 euros. Donc il s'est bien passé quelque chose entre-temps. Lui, il n'a pas touché son salaire, hein. Il travaillait au noir à ce moment-là. Donc il s'est rien passé d'autre que le simple fait qu'il a piqué les cartes bleues des deux filles. Alors on continue dans l'hypothèse, pourquoi les aurait-il tués? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais aller au bout. Ouais. Je vais aller au bout. C'est-à-dire que on voit dans les jours précédents la disparition des deux femmes qu'il se prépare. Notamment, il prépare un fusil à canoncier. Il est chasseur, donc du coup, il scie le canon. Il achète du scotch pour qu'il n'y ait pas ses empreintes, etc. Ce qui est intéressant, c'est sur cet élément-là, on se dit, il va braquer. Il peut aller braquer des gens. C'est la bourse ou la vie, quoi. C'est la bourse ou la vie. Mais vous êtes Il est pressé de trouver de l'argent. Vous connaissez ça, le 1er novembre, un dimanche 1er novembre à 20h à Sens. Essayez de braquer quelqu'un. Essayez de trouver quelqu'un. Faut déjà trouver quelqu'un. Dans la rue, quoi, déjà. Donc, mon point de vue, c'est simplement qu'il tombe, enfin, mon hypothèse, est qu'effectivement, deux femmes, enfin, ils se placent à un endroit, où, relativement fréquenté, par exemple le bowling, il s'avère que les deux femmes avaient faim. C'est sur leur route, qu'importe. Mais il se place là et puis il attend que des gens passent pour les braquer. Ouais. Et là, il braque deux filles. Oui, il serait tombé sur cinq rugbyman, il serait pas allé, si vous voulez. Mais là, il y a deux femmes. Donc je me dis, il peut très bien les braquer. Il est 20h20, 20h30. Bon. Elles viennent de partir. Enfin, voilà. Il aurait pu les braquer, il y arrive ou il n'y arrive pas, ça se passe mal ou ça se passe... Elles n'ont pas de chéquier. Elles n'ont pas d'argent de poche. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que... Admettons cette hypothèse, il est braqué à 20h30, elles n'ont que des CB. Comment s'assurer? Comment aller faire un retrait avec ces cartes bancaires? Ouais. Il s'avère qu'effectivement, une heure et demie plus tard, à 21h52, à Villeneuve-sur-Yonne, il y a deux retraits. Ouais, il y a deux retraits et c'est lui sur la photo. Ouais. Les deux fois, c'est lui sur la photo. Donc toute la question est de savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il les aurait tués. Alors là, et c'est là où je vais vous rajouter la chloropicrine, si vous me permettez. Allez-y. Parce que puisque vous me parliez de la chloropicrine, nouvelle hypothèse. Ouais. C'est intéressant, les baillons que les deux femmes ont sur le visage. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte, ça? Ça raconte pour moi qu'il suffit de mettre un peu de chloropicrine dessus. On se dit, tiens, encore une fois, pure hypothèse. Hein. Mm-hmm. On met un peu de chloropicrine pour l'endormir, pour les endormir. Pourquoi? Je vous dis, monsieur Drouel, c'est quoi votre code de carte bleue? On est chez moi, on est dans mon jardin, on est dans une voiture ou quoi. J'ai pas le donné parce qu'il y a 3 200 000 auditeurs qui nous écoutent toujours en podcast, selon les derniers chiffres. Ils auront pas mon numéro de carte bleue, donc je voudrais pas. Bon, en tout cas, on est quelque part. Ouais. On avance parce qu'on. Excusez-moi. On va bientôt arriver après l'heure. Là. Donc je vous dis, quel est votre numéro de carte bleue? Bon, il faut bien que j'aille le vérifier. Je peux pas vous tenir. Si je suis tout seul, je peux pas et vous tenir en joue et faire le code. Donc. Si on dispose de chloropicrine, on essaye d'endormir les deux femmes. D'accord. Puisque c'est finalement une forme de chloroforme. Je vous vois venir. Okay. On va retirer de l'argent, on rentre à l'endroit où on les a laissées. Oui. Pas de bol, elles sont mortes. Surdose, elles sont mortes. Par exemple. Écoutez, on a le temps d'écouter une dernière archive, une lecture du procès-verbal de l'audition de Trébert, justement. C'est intéressant, après tout ce qu'on vient de dire, chez le juge Michael Gir. Vos déclarations sur la date à laquelle vous avez rencontré Géraldine Giraud et Katia L'Herbier sont contredites par les éléments objectifs du dossier. Vous avez affirmé les avoir rencontrés ensemble, il y a 3 ou 4 mois, au bowling de Saint-Clément. Reconnaissez-vous avoir menti sur ce point ? Non, je ne sais plus si je les ai rencontrés au bowling de Saint-Clément ou à Sens même. À votre demande, je confirme les avoir rencontrés ensemble il y a 3 ou 4 mois. Cela semble impossible, eu égard aux éléments du dossier. Pourtant, c'était bien il y a 3 ou 4 mois. Confirmez-vous qu'elles étaient ensemble ? Oui. Géraldine Giraud et Katia L'Herbier se sont rencontrées pour la première fois au courant du mois d'octobre. Souhaitez-vous modifier vos déclarations ? Non. Vous rendez-vous compte que cela est impossible ? Je les ai bien vues. Comment cela serait-il possible alors qu'elles-mêmes ne se connaissaient pas ? Je ne comprends pas, mais c'était bien elles. Vous avez affirmé que cela se situait à la fin de l'été. Encore une fois, cela est impossible. Il faisait beau, il y avait encore du monde en terrasse. Bon, sa façon de mentir démontre qu'apparemment il n'a pas monté de plan pour s'innocenter. Non. Il était embarqué dans cette histoire. Moi je pense qu'il est en pleine sidération. Enfin, j'ai vraiment lu l'intégralité de ses auditions. C'est un homme, pour le coup, c'est pas un homme des bois, c'est un homme traqué. C'est un homme qui sait pas quoi raconter. Je pense qu'il a fait la connerie. Enfin, c'est même plus, on est au-delà de la connerie de sa vie. Et au lieu de l'assumer, il est en pleine sidération. C'est pas possible. J'ai pas pu faire ça. Ça l'emmène en prison et jusqu'au suicide quand même. Bah oui, cette affaire-là. Évidemment. Toute dernière chose, il nous reste 30 secondes. C'est concomitant à l'affaire Outreau, hein, cette affaire. Mm-hmm. L'affaire Outreau qui est un séisme pour la justice française. Oui, est-ce que le juge aurait été, parce qu'il a été pris à partie, notamment par la famille Giraud. À tort, vous trouvez? À tort. Il n'a pas été influencé cette affaire Outreau. Il s'est dit, oulala, faut faire attention. Alors, je vais vous dire, je crois que nous, journalistes, on a eu accès à quasiment tout le monde, toutes les sources. Oui. Dans cette affaire qui a été poreuse, lui, jamais. Alors là, pour le coup, droit comme la justice, on peut rien dire sur lui. Bien, ben écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci infiniment Stéphane Minka pour toutes les précisions que vous avez apportées à ce dossier que vous connaissez bien évidemment. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Géraldine Giraud, une émission et Katia L'Herbier, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à toute l'équipe qui a préparé ces Affaires Sensibles pendant toute la semaine. Rédaction et recherche documentaire, Margot Pinel, Gabriel Debray, Adrien Cara et Jean Bulot. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Fabrice L'Aigle. David Jacques Boviez et Jérôme Boulet à la technique aujourd'hui, Antoine Comèze.